Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. J'ai voulu raconter d'autres vies que la mienne. Celle de gens pris dans la vague du tsunami de 2004. Celle de gens qui ont longtemps et très tôt cohabité avec le cancer. Celle de gens qui courent après les crédits sans savoir comment les rembourser. Celle de gens qui savent s'aimer. De gens qui, sans le savoir, parfois sans même me connaître, m'ont guidé et éclairé dans le difficile métier de vivre. D'autres vies que la mienne, d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. 9e épisode. Un matin de décembre, un bruit de respiration oppressée a réveillé Patrice. Juliette, à côté de lui, sanglotait et suffoquait à la fois. Il a essayé de la calmer. Entre deux spasmes, elle est parvenue à lui dire qu'elle ne savait pas ce qui lui arrivait, mais qu'elle sentait que c'était quelque chose de grave. Patrice a obtenu un rendez-vous chez le généraliste de Vienne, en urgence. Comme c'était samedi, et que les filles n'allaient ni à l'école ni chez la nounou, il a fallu partir tous les cinq. Pendant la consultation, Amélie et Clara ont fait des dessins dans la salle d'attente. Le généraliste a envoyé Juliette faire une radio des poumons, en urgence aussi. Pour distraire les filles, qui commençaient à s'énerver, Patrice les a emmenées dans une librairie où il y avait un rayon de livres pour enfants qu'elles ont mis en désordre. Diane pleurant dans ses bras, il rangeait patiemment les albums derrière les deux aînés, s'excusant auprès de la libraire qui, par bonheur, avait des enfants aussi et savait ce que c'est. On est retourné au cabinet de radiologie, puis, muni de la radio, chez le généraliste qui a pris l'air soucieux et dit d'aller à Lyon maintenant pour un scanner. On est remonté en voiture. Les examens avaient pris toute la matinée. Les filles n'avaient pas déjeuné, pas fait la sieste. Diane pas été changée. Toutes trois criaient à qui mieux mieux sur la banquette arrière. Juliette à l'avant n'était pas en état de les calmer. C'était l'enfer. À l'hôpital de Lyon, nouvelle attente pour le scanner. Quand le diagnostic est tombé, embolie pulmonaire, il s'est surpris à être soulagé, parce qu'une embolie pulmonaire, c'est sérieux, mais ce n'est pas un cancer. On a décidé de transporter Juliette en ambulance à la clinique protestante de Fourvière, où on la mettrait sous perfusion d'anticoagulants pour dissoudre les caillots de sang qui bouchaient les vaisseaux irriguant ses poumons. Patrice est convenu avec elle de ramener les petites à la maison, puis de revenir avec un sac de vêtements et d'affaires de toilette, car Juliette resterait à la clinique quelques jours. Avant de partir, il a vu le médecin, d'après qui le scanner ne révélait rien d'alarmant. La seule chose un petit peu gênante, c'était dans les poumons des traces de fibrose qui remontaient probablement à la radiothérapie subie 15 ans plus tôt. Les rayons avaient dû fibroser les organes. Il était difficile de distinguer les lésions nouvelles des anciennes. Mais bon, dans l'ensemble, ça allait, tout était sous contrôle. Aussitôt installée à la clinique protestante, Juliette a appelé Étienne. Il se souvient de ces mots. Viens, viens tout de suite, j'ai peur. Et quand il est entré dans la chambre une demi-heure plus tard... C'est pire que de la peur. C'est de l'horreur. Qu'est-ce qui te fait horreur? D'un geste vague, elle a désigné le tuyau qui la reliait à la poche de la perfusion sur sa potence. Ça. Tout ça. Être encore malade, manquer d'air, mourir étouffé. Sa voix était véhémente, hachée, chargée d'une révolte qu'il ne lui connaissait pas. Elle a dit « Je me demandais ces jours-ci s'il fallait que je prenne une complémentaire retraite, mais je crois que ça ne va pas être la peine. Autant de gagner. » Étienne n'a pas relevé, juste demandé calmement si on lui avait dit qu'elle allait mourir. Et elle a dû admettre que non. on lui avait dit la même chose qu'à Patrice. Embolie pulmonaire, peut-être liée à la radiothérapie. Et ça la faisait chier. C'était son mot. Un mot qu'elle n'utilisait jamais, mais ce jour-là, si. Ça la faisait chier de devoir payer encore pour une vieille maladie dont elle se croyait quitte. Il y a eu un moment de silence et puis elle a repris plus doucement. J'ai horriblement peur de mourir, Étienne. Tu sais, quand j'ai été malade à 16 ans, je me faisais de la mort une idée romantique. Je trouvais ça séduisant. Je ne savais pas si j'étais vraiment menacée, mais j'étais partante. Toi aussi, un jour tu m'as dit qu'à 18 ans tu pensais qu'un cancer, ça pourrait être sympa. Je me rappelle très bien, tu as dit sympa. Mais maintenant, à cause des petites, ça me fait horreur. L'idée de les laisser me fait horreur. Tu comprends ? Étienne a hoché la tête. Il comprenait, bien sûr, mais au lieu de dire ce que n'importe qui d'autre aurait dit à sa place, qui te parle de mourir, tu as une embolie pulmonaire, pas un cancer, ne t'affole pas. Il a dit, si tu meurs, elles n'en mourront pas. Ce n'est pas possible. Elles ont trop besoin de moi. Personne ne les aimera jamais autant que moi. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu es bien prétentieuse. J'espère que tu ne vas pas mourir maintenant, mais si tu dois, il va falloir que tu travailles. Pas seulement à te dire, mais à penser vraiment, leur vie ne s'arrêtera pas avec moi. Même sans moi, elles pourront être heureuses. C'est du boulot. Au bout de 5 jours, on l'a renvoyée chez elle, avec une ordonnance pour un bas de contention et des anticoagulants, grâce auxquels elle récupérait bientôt sa capacité respiratoire. Elle ne l'a pas récupérée. L'air lui manquait toujours. Elle haletait comme un poisson hors de l'eau, tendait le cou, la poitrine constamment oppressée. « Est-ce que c'est insupportable ?» lui a demandé le médecin au téléphone. Insupportable non, puisqu'elle le supportait, mais très pénible. Et pas seulement pénible, angoissant. Attendez un petit peu, que les médicaments fassent leur effet. Faisons le point début janvier. Pendant les fêtes de Noël, Juliette et Patrice se réfugiaient le plus possible tous les deux dans leur chambre, s'allongeaient sur le lit dans les bras l'un de l'autre, et elle murmurait en lui caressant la joue « Mon pauvre, tu as tiré le mauvais numéro. » Patrice protestait. Il avait tiré le meilleur qui existe au monde. Et, touchée par son évidente sincérité, elle répondait « C'est moi qui ai tiré le meilleur numéro du monde. Je t'aime. » Le jour de Noël a aussi été celui du tsunami. On a appris qu'Hélène et Rodrigue étaient saufs avant même de savoir à quoi ils avaient échappé. Mais on n'a manqué ensuite aucun journal télévisé, aucune des émissions spéciales qui permettaient de suivre en direct la catastrophe, minute après minute. Juste après Noël, Patrice a dû ramener Juliette à l'hôpital, de nuit, aux urgences. Elle étouffait. On a diagnostiqué une complication de l'embolie, de l'eau dans la plèvre. C'est ce qui la comprimait et gênait sa respiration. Elle a passé le nouvel an à l'hôpital de Vienne. On a drainé ses poumons, évacué le liquide. De nouveau, on l'a laissé rentrer chez elle en lui disant que maintenant, ça devrait aller mieux. De nouveau, les jours ont passé sans que ça aille mieux. De nouveau, on l'a hospitalisée, cette fois en pneumologie à Lyon-Sud. De nouveau, on a drainé ses poumons, évacué le liquide de la plèvre, mais cette fois, on a analysé ce liquide. On y a trouvé des cellules métastasées et on lui a annoncé qu'elle avait de nouveau un cancer. Étienne est arrivé après le dîner. Juliette l'a regardé s'avancer jusqu'au pied du lit, mais pas plus loin. Pas question de se pencher sur elle, de l'embrasser, de lui presser l'épaule ou la main. Il savait que toute la journée, elle avait pu s'abandonner dans les bras de Patrice, l'écouter murmurer à son oreille les mots tendres, dérisoires, apaisants qu'on dit à une petite fille qui se réveille la nuit d'un cauchemar. « N'aie pas peur, je suis là. Prends ma main, serre ma main. Tant que tu serres ma main, il ne t'arrivera rien de mal. » Ils sont restés tous deux silencieux un moment. Puis, elle a dit que ce n'était pas un cancer du poumon, mais du sein. L'origine était dans le sein. Le poumon, c'était une métastase. C'était mauvais. Au lieu de s'asseoir dans le fauteuil, près du lit, Étienne est allé poser les fesses le plus loin possible d'elle sur l'énorme radiateur en fonte qui diffusait dans la chambre une chaleur étouffante. Comme elle ne disait plus rien, il a parlé. Il lui a dit qu'à partir de maintenant, ça allait changer tous les jours. Les traitements, les protocoles, les espoirs, les faux espoirs. C'est ça le plus dur dans la maladie et il fallait qu'elle s'y prépare. Il lui a dit de limiter au maximum les visites de gens bien intentionnés qui ne font que vous bouffer de l'énergie. Il lui a dit que l'essentiel était de tenir, jour après jour, de s'économiser. Il y a eu encore un silence. Puis Juliette a dit qu'elle ne voulait pas être dépossédée de sa maladie comme elle l'avait été à 16 ans. Ses parents avaient mis tout leur amour, toute leur énergie, toute leur science à la protéger. S'ils avaient pu, ils auraient eu le cancer à sa place. Mais elle ne voulait plus qu'on ait le cancer à sa place. Elle voulait le vivre pleinement, jusqu'à la mort, si c'est la mort qui l'attendait au bout comme cela semblait probable. Et elle comptait sur Étienne pour l'y aider. « Est-ce que tu te souviens, lui a-t-il demandé, de la première nuit de ta maladie, la première fois, la nuit qui a suivi le jour où on t'a dit que tu avais un cancer ?»« Non. » Juliette ne s'en souvenait pas. Elle ne se souvenait pas d'avoir entendu les mots « tu as un cancer ». Elle ne se souvenait pas non plus d'avoir compris, après coup, que ce qu'elle avait eu était un cancer. Cela s'était produit, forcément, puisqu'elle le savait. Mais le moment où elle était passée de l'ignorance ou de la confusion à ce savoir-là, le moment où le mot avait été prononcé, lui échappait. Tu comprends ce que j'appelle avoir été dépossédée de ma maladie ? Très bien. Alors ta première nuit, c'est celle-ci. Je vais te parler de la mienne, c'est important. Avant de quitter Juliette, il lui a dit « Je ne sais pas ce qui va se passer cette nuit, mais il va se passer quelque chose. Demain, tu seras différente. » Quand il est revenu le lendemain soir à la même heure, elle avait le visage tout déconfit. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas réussi cette sorte de conversion dont tu parles. Je n'arrive pas à voir la maladie comme toi. En fait, je n'ai pas bien compris comment tu la voyais. Moi, c'est ridicule. Je la vois là, comme quelque chose qui me guetterait dans ce fauteuil. Elle a montré le fauteuil de Sky noir, avec des tubulures en métal, où ce soir-là encore, ils ne s'étaient pas assis, préférant le radiateur. Eh bien, tu as vécu ta première nuit. Tu commences ta relation avec la maladie. Tu lui as donné une place, pas toute la place. C'est bien. Juliette n'a pas paru convaincue. Elle a soupiré, comme quelqu'un qui a échoué à un examen et qui préfère qu'on laisse tomber le sujet. Puis dit tristement « Mes filles ne se souviendront pas de moi. » Tu ne te souviens pas non plus de ta mère quand tu étais petite, ni moi de la mienne. On ne voit plus le visage qu'elles avaient. Pourtant, elles nous habitent. Juliette a demandé aux médecins de Lyon Sud d'être francs avec elle. Et ils l'ont été. Ils lui ont dit qu'elle ne guérirait pas, qu'elle mourrait de son cancer. Qu'on ne pouvait prédire le temps qui lui restait, mais qu'il pouvait a priori se compter en années. Il fallait s'attendre à ce que ces années soient très médicalisées et à ce que sa qualité de vie en souffre. Elle a décidé de se soumettre au traitement avec docilité. Une semaine après le diagnostic, elle a commencé la chimiothérapie et l'herceptine qu'on lui administrait à raison d'une séance hebdomadaire à l'hôpital de jour. Ça, c'était pour le cancer. Pour ses difficultés respiratoires, on a livré à Rosier et monté sur un diable pour les transporter de la camionnette à la maison deux énormes bouteilles d'oxygène, une pour la chambre et une pour le salon. Il y avait un curseur pour régler le débit, un long tuyau, une sorte de lunette qui passait derrière les oreilles et deux petits embouts pour aller dans le nez. Dès qu'elle sentait approcher une de ces crises d'étouffement, Juliette s'en harnachait et elle était aussitôt soulagée. On gardait le vague espoir que cette assistance soit provisoire, que les traitements anticancéreux aient aussi un effet sur ce front-là. Mais elle y a au contraire recouru de plus en plus. Vers la fin, elle l'avait presque tout le temps. Et elle se désolait à l'idée que ses filles garderaient d'elle cette image d'infirme ou de créature de science-fiction. Quand Amélie lui a demandé « Maman, est-ce que tu vas mourir ?» Elle a choisi d'être aussi franche que les médecins l'avaient été avec elle. Elle a dit « Oui, tout le monde meurt un jour. Même Clara, Diane et toi, vous mourrez, mais dans très très longtemps, et papa aussi. Moi, je ne mourrai pas dans très longtemps, mais quand même dans un petit peu longtemps. Dans combien de temps ? Les docteurs ne savent pas, mais pas tout de suite. Je te promets, pas tout de suite. Alors il ne faut pas avoir peur. » Juliette était épuisée, dormait mal. Et le jour, il était rare qu'une heure s'écoule sans qu'elle cède de sa bouteille pour respirer. De l'avis des médecins, cependant, elle supportait bien la chimiothérapie. Mieux qu'elle ne l'avait craint, mieux qu'Étienne, se rappelant la sienne, ne le craignait pour elle. C'était encourageant. Patrice se laissait aller à penser, mais si ça marchait après tout? Si les médecins, par honnêteté, pour ne pas donner d'espoir qui risquait d'être déçu, avaient été trop pessimistes, si elle guérissait? Si au moins elle avait une longue rémission, sans trop de traitement, sans trop de souffrance? On pourrait faire des choses les beaux jours venant. Des promenades en forêt, des pique-niques. Il y a eu une sorte d'éclaircie au mois de février. C'est pour cela que Juliette a accepté que nous venions, Hélène, Rodrigue et moi, avec la perruque dans nos bagages. Juliette, qui avait toujours porté longs, ses beaux et épais cheveux noirs, venait de les faire couper, mais elle n'avait pas encore commencé à les perdre et à avoir vraiment, selon ses propres mots, sa tête de cancéreuse. Quelques jours après notre visite, Patrice les lui a rasés. Par la suite, il l'a fait une fois par semaine, passant la tondeuse avec beaucoup de soin pour que son crâne ne soit pas râpeux. C'était, entre eux, dit-il, un moment très intime, très doux. Ils attendaient que les filles ne soient pas là, aimaient avoir du temps devant eux, faisaient durer. Je pense comme un couple qui se retrouve pour faire l'amour l'après-midi. Ils ont refait l'amour une fois, juste après l'annonce du cancer. Ils étaient maladroits tous les deux, désaccordés. Il avait peur de lui faire mal. Il ne savait pas que c'était la dernière fois. En dehors du sexe proprement dit, ils avaient depuis le début une relation de tendresse très fusionnelle. Ils se touchaient beaucoup, dormaient blottis l'un contre l'autre, en cuillère. Quand l'un se retournait, l'autre dans son sommeil se retournait aussi, elle ramenant ses jambes avec ses mains, et ils se retrouvaient dans la même position inversée. Il s'était endormi tourné contre son dos à elle. Quand il se réveillait, elle se serrait contre son dos à lui, les genoux repliés au creux des siens. Avec la maladie, c'est devenu impossible. Il y avait la bouteille d'oxygène. Il fallait qu'elle dorme surélevée. C'était à la maison comme une chambre d'hôpital. Cette intimité nocturne qui ne les avait jamais trahis au long de leur vie commune leur manquait. Mais ils continuaient à se tenir à la main, à se chercher dans le noir. Et même si la surface de contact s'est amenuisée, Patrice ne se rappelle pas une seule nuit jusqu'à la dernière, où un peu de la peau de l'un n'a pas touché un peu de la peau de l'autre. Il y a eu un premier bilan fin février, et il a fallu reconnaître qu'il était décevant. Honnêtement, on espérait plus du traitement qu'on a décidé de continuer sans grande conviction. Sur le trajet du retour, Elle a dit à Patrice qu'elle avait assez fait l'autruche. Il fallait maintenant qu'elle se prépare. Il fallait que tout soit bouclé. Les dossiers en ordre, comme à la veille des vacances judiciaires. Et elle avait peur d'être à court de temps. Elle ne savait pas combien il lui en restait au juste, mais peu, de toute façon. Elle a réparti les tâches entre ses amis, demandé à chacun ce qu'il pouvait lui donner, et quand une chose était dite, elle était dite. Elle n'y revenait plus. Le voisin Philippe était en charge des photos et de la messe. Sa femme, Anne-Cécile, qui est orthophoniste, prendrait soin du petit cheveu sur la langue de Clara. Et Christine, professeure de collège, de l'orientation scolaire. Laurent, des RH en entreprise, a été promu conseiller pour les questions d'argent. Capital d'essai, crédit de la maison, couverture sociale de Patrice et des petites, qui la préoccupaient terriblement. Elle préparait Patrice, lui aussi, à la vie qu'il attendait sans elle. Au début, il refusait ces conversations, qu'il trouvait morbides. Mais il s'est aperçu qu'elles leur faisaient du bien à tous les deux. Et il en est presque venu à les anticiper avec plaisir. Elle relâchait la tension. Juliette, après, était plus calme. Il y avait une espèce de douceur très conjugale, et qui par instant lui semblait totalement irréelle, à s'asseoir à la table, sous la lampe, pour parler de ça. Le plus pénible a été le jour où elle a abordé la question des grandes vacances. Elle les avait déjà organisées, prévoyant que les filles passent quelques semaines dans chacune des deux familles. Elle pensait que ce serait bien que Patrice ait un peu de temps, seul, pour se reposer. Cet été serait dur pour lui. En comprenant qu'elle parlait de l'été prochain, il a eu un moment de vertige, qu'elle a perçu. Elle a pris sa main, dit qu'elle en parlait au cas où. Mais ni l'un ni l'autre n'était dupe. J'ai repensé à cet été, déjà derrière nous, quand Patrice m'a raconté cela. Nous avions pris Clara et Amélie une semaine, comme Juliette l'avait prévu, et fait de notre mieux pour les distraire. Clara s'accrochait à Hélène. Sur un cahier relié de sa belle écriture scrupuleuse, Amélie a commencé un roman dont l'héroïne était, bien sûr, une princesse, et dont je me rappelle la première phrase. Il était une fois une mère qui avait trois filles. Et tout à coup, ces images qui étaient pour moi des souvenirs, je me les suis représentées comme des anticipations. Quelques mois plus tôt, Juliette avait imaginé ses promenades à bicyclette, ses baignades, ses câlins submergés de chagrin, en pensant « Je ne serai plus là. Ce sera le premier été de mes filles sans moi. » C'est Juliette qui téléphonait, jamais Étienne. Elle pouvait tout dire sans craindre de lui faire mal. Tout, c'est-à-dire l'horreur. L'horreur morale d'imaginer le monde sans soi, de savoir qu'on ne verra pas grandir ses filles, mais aussi l'horreur physique qui prenait de plus en plus de place. L'horreur du corps qui se révolte parce qu'il éprouve qu'il va être anéanti. L'horreur d'apprendre à chaque bilan quelque chose de nouveau qui change la donne, toujours en pire. On essaie de penser qu'il ne peut pas y avoir que de mauvaises nouvelles. Mais si. L'horreur des traitements, de souffrir sans arrêt et pour rien, sans espoir de guérir, juste pour mettre plus longtemps à crever. Au mois d'avril, elle lui a dit « Je n'en peux plus. C'est trop dur. J'arrête. » Il a répondu « Tu as le droit. » L'autorisation d'Étienne lui a fait du bien. Elle l'avait en réserve, comme une ampoule de cyanure quand on risque la torture. Et elle a décidé de continuer. Encore un peu. C'était « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère. Adaptation de François Cuel. Avec Vincent Schmitt, le narrateur, Frédéric Pierrot, Étienne, Mathieu Létuvé, Patrice, Pauline Moulaine, Juliette. Prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Bastien Varigaud. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu.